Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et cette semaine, ben, c'est le dernier vendredi du mois. Alors, c'est l'avant-dernier club de lecture en onde de la saison. Le prochain aura lieu le 24 mai, donc lors de la dernière édition de La Vie en BD pour la saison 2018-2019. Donc, dans un mois, c'est encore assez loin. Mais pour l'instant, ben, j'ai le plaisir donc de retrouver mes acolytes du club de lecture pour plonger dans une thématique, ma foi, qui nous a amené dans différents angles et sous différentes avenues qu'on n'a pas nécessairement si souvent que ça l'occasion d'explorer. Donc, on en parle un peu peut-être quand on aborde des questions relatives à la BD de genre avec certains auteurs et autres, mais de front, dans une perspective d'analyse, d'expérience et de discussion, eh bien, on est dans des terrains qu'on n'a pas encore eu l'occasion de défricher. Alors, je présente les collaborateurs d'entrée de jeu, donc nos libraires et nos ex-libraires. Alors, deux libraires de chez Pantoute d'ailleurs, Marco Duchesne, bonjour. Présent. Édouard Tremblay, bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Et Jérôme Vermette, bonjour. Ben, bonjour. Alors, en fait, je vais décliner les titres qu'on a cette semaine. En fait, ce mois-ci, en fait, la thématique, c'est, entre guillemets, plaisir coupable. Dans les publications sur Facebook et ailleurs, j'ai eu tendance à rajouter un trois petits points pour qualifier et pour ouvrir un peu à l'interprétation également. Alors, les titres que Édouard a choisis, on a White Trash, donc une édition 619 Label, donc version française, une BD de Gordon Rennie et Martin Amon. On a The Punisher, donc un épisode qui s'appelle Barracuda, qui est scénarisé par Garth Ennis, et au niveau visuel, c'est Goran Parlov et Leandro Fernandez. On a du Alan Moore, donc côté scénariste, et Jason Burroughs côté dessin, avec Neonomicon, donc qui nous amène dans l'univers Lovecraftien. Et on a, donc, du côté, parce qu'on est quand même pas mal dans l'américain dans cette sélection-là, on a quand même une forêt vers le franco-belge avec Jodorowsky et Théo, avec Le Pape Terrible, donc le tome 1, Della Rovere. Et à énumérer comme ça, en fait, on parlait un peu hors d'onde de scénaristes vedettes ou autres, ben on a vraiment, en fait, quatre ouvrages qui sont dirigés par des scénaristes forts, d'ailleurs. Donc, en fait, une sélection qui n'est absolument pas laissée au hasard d'Édouard Tremblay. Alors, on va faire comme d'habitude. En fait, je contextualise. Édouard nous a proposé ces quatre titres-là. On vous les a relayés, auditeurs, auditrices, par le biais de Facebook dans le courant de la semaine. Nous, on les a lus pour la première fois dans certains cas, pour la deuxième ou douzième fois dans d'autres cas. Et ben, on va en jaser au fil de l'émission de cette semaine. Mais pour commencer, Édouard, mets la table en place. Donc, pourquoi on a lu ces BD-là? Justifie. Ouais. Tu sais, quand on a dit du mal de toi la dernière fois, c'était pas vraiment sérieux, là. Mais en fait, ça part de, je vous dirais, deux angles distincts. Le premier, bon, étant évidemment l'idée d'un peu clasher avec les dernières thématiques qu'on a eues, c'est-à-dire qu'on a quand même eu de très beaux clubs de lecture, hein, avec des choses qui étaient poignantes, qui étaient profondes. Mais t'as pas aimé les Astérix de Marco, dans le fond. Ah, ouais, ouais. Non, mais c'est moi, Astérix. Je sais pas, mais on a failli avoir un scandale avec la ligne claire. Ouais, ouais. Presque, hein, presque. On aurait pu en inventer un. Donc, je voulais, en fait, qu'on puisse justement, bon, disons, aller un peu à contre, pas nécessairement à contre-courant, mais retourner d'abord vers, je dirais d'emblée, une BD qu'on ne lit pas, disons, pour les grandes valeurs universelles que ça véhicule ou pour les bons exemples que ça donne, mais qu'on va lire pour C'est un euphémisme. Oui, tout à fait. Mais pour ce divertissement qui reste, à mon avis, quand même la pierre angulaire de la BD, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut y véhiculer, de tout ce qu'on peut y montrer, de tout ce qu'on peut aborder, si le plaisir de lecture n'est plus là, à quoi bon? La fonction de divertissement n'exclut pas, à mon avis, d'avoir un regard aussi des fois un peu plus extrême ou un peu plus éclaté sur certains sujets. Deuxièmement, et c'est encore une fois quelque chose de très personnel, bon, les choix, comme je disais, c'est un peu mes plaisirs coupables à moi, mais j'ai toujours eu, disons, et là, bon, je veux pas avoir l'air mystique ou rien, mais je veux dire, la noirceur humaine, les ténèbres, les choses qui nous effraient, ou qui nous dérange, il y a deux façons de les aborder. Soit on joue à l'autruche, puis on fait comme si ça n'existe pas. Soit on va de l'avant, et on s'y plonge. Advienne que pourra. Je dis pas que ça a des bons résultats. Regardez ce que je suis devenu. Mais au-delà de ça, t'es devenu libraire. Ben c'est ça que je disais. Hein, donc... Ouais, mais moi c'est pas pour les mêmes raisons là. Je tiens à le souligner. Et donc ici, ben c'est justement une espèce de, je dirais, de florilège de ces excès, de cette noirceur, de ces marginalités en fait qu'on retrouve dans le genre humain portées à leurs extrêmes. Et c'est un peu ce que je voulais avoir ici. Donc d'abord avec White Trash, qui m'avait beaucoup interpellé, qui avait été une découverte en fait que Marco m'avait fait faire du dessin d'abord qui m'avait parlé parce que j'y retrouvais un peu le trait de Simon Bisley, bon d'autres de dessinateurs que j'aime bien, mais aussi l'ambiance White Trash, comment mieux le définir, je pense que c'est Fear and Loathing in Las Vegas, sauf qu'au lieu de consommer du LSD, on consomme de la méthamphétamine, et ça donne White Trash de ce côté-là. Punisher, Barracuda, je m'en cache pas, Punisher a toujours été un de mes super-héros préférés, même si, en fait, dans le cas de Frank Castle, super-héros est peut-être un terme un peu réducteur. On est assez loin, bien sûr, de Thor ou de Batman ou de Hulk. Mais avec Frank Castle, ce que nous avons, ben c'est le nihilisme absolu. Cette absence complète de compromis qu'on voit parfois. Cette obsession ici, bien sûr, de l'ancien militaire qui a plus rien à perdre et qui va dans cet album-là en fait trouver, disons, un peu la réponse à ce qu'il est, en fait la deuxième face de cette pièce de monnaie qu'il est dans la personne de Barracuda. Néonomicon, hein, ben ça on s'en cache pas, on est tous un peu des fans de Lovecraft. Je sais que Jérôme est, comme moi, a lu cet album-là à répétition. Vous consultez les mêmes docteurs. Ouais, ben c'est ça, on prend les mêmes pilules. Hein. Mais non sans raison d'ailleurs, parce que bon, au-delà du nom bien sûr de Alan Moore, hein, qui est quand même un des plus grands scénaristes de notre époque, un gars qui a fait des classiques absolument incontournables, et donc un gars comme ça et aussi qui a le bénéfice d'avoir toujours eu, et on le sait, Alan Moore, hein, c'est toujours une érudition foisonnante dont il adore faire étalage du reste, et il le fait très bien avec l'univers Lovecraftien, mais il va même, et à mon avis c'est bon, la valeur des Néonomicons, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est qu'il va explorer là-dedans, dans l'univers Lovecraftien, des domaines que Lovecraft lui-même évacuait volontairement, à savoir notamment la sexualité. Parlant de sexualité, hein, on est les deux pieds dans le pape terrible de Jodorowsky et Théo. Encore une fois, bon, ceux qui me connaissent depuis un moment savent que j'ai un très très grand amour pour le travail, surtout en BD, d'Alessandro Jodorowsky. J'ai peur que si j'ai un très très grand amour pour la sexualité. Bon, ça ramène ça ailleurs. Aussi, mais bon, s'il te plaît, on est sur les heures de grande écoute. Ça m'a fait plaisir, moi je vais y aller. Pour l'œuvre donc de Jodorowsky, magnifié ici par Théo, parce que Jodo aussi c'est quelqu'un qui sait aller chercher les bons dessinateurs, hein. Il le faisait déjà à l'époque bien sûr avec Moebius, avec Jiménez, mais Théo qu'on connaît un petit peu plus maintenant parce qu'il a eu notamment la lourde tâche remettre les bottes de l'habit pour la série de Murena, et qui nous présente ici une Florence magnifiquement illustrée. Mais il faut voir en fait dans la série du Pape Terrible un peu la prolongation ce que Jodorowsky avait déjà fait avec Manara dans les Borgia, c'est-à-dire que bon, Jules II, pour ceux qui connaissent un peu l'époque, a succédé essentiellement au pape Borgia, en fait ça a été un peu de temps après, et grosso modo, ben disons que son pontificat a été marqué d'un peu les mêmes excès, les mêmes abus, la même violence, la même vente un peu des biens de l'Église, donc la même simonie et tout ça, mais en même temps aussi ce florissement incroyable des arts, de la culture, qui va largement en fait bénéficier du mécénat de types comme le pape Jules II. Donc voilà, c'était mes quatre titres pour vous, chers amis, en espérant que ça vous a pas trop fait mal. Non, mais en fait, je pense que je le disais d'entrée de jeu, ça nous a amené vers des zones qu'on a pu l'occasion d'explorer, et en même temps, je pense que quand tu parles du pape terrible, entre autres, puisqu'on vient de terminer un peu là-dessus, tu disais, et je disais à la blague, on plonge à plier joint dans la sexualité, j'ai l'impression que dans le cas spécifique de cet album-là, l'omniprésence d'imagerie relative à la sexualité, d'actes sexuels divers, d'un côté, va chercher l'aspect politique de la chose, où dans le fond, on est un peu dans une charge, dans une critique quand même assez aiguisée de la décadence d'une certaine église catholique, d'une certaine époque de cette église-là. Et de l'autre côté, on nous amène comme lecteur dans un grand... J'ai envie de dire un malaise, mais pas un malaise de voir ça, mais un malaise d'en voir autant. Disons-le comme ça. Et on essaie de voir, en fait, on étant moi et Jérôme en s'en venant dans l'autobus, dans le fond, tu sais, pourquoi il y en avait... Ça va être la fun pour les autres autos. C'est assez palpitant. Mais l'omniprésence, justement, de cette imagerie-là, donc d'un côté vient servir l'esprit critique, et de l'autre vient servir un peu ce malaise à une surabondance de débaucherie et de lubricité. Mais c'est comme... effectivement, ce que tu énonces là, le fait que ça soit dans la religion et dans les plus hautes sphères de la religion, montrer cette débauche de sexualité-là, c'est comme appuyer sur la chose, comme pour montrer... Je veux dire, peut-être qu'ils ont fait les mêmes excès dans la royauté ou dans les princes, les princesses de l'époque de l'Europe, mais bon, je veux dire, là, il y a une volonté de vouloir pas détruire la religion, mais montrer cette facette-là à cette époque-là. Du moins, le Vatican, là, ouais, carrément montré comme étant un gouvernement plus récent. Quelle époque c'était? Excuse-moi, mais je me rappelle plus quelle époque c'était. On est 15e, fin 15e, début 16e siècle, en fait. Mais aussi, je pense que c'est... Et on le sent dans le personnage de Jules II, et on l'avait déjà, en fait, à l'époque, avec le personnage aussi d'Alexandre Borgia, justement, ouais, dans la précédente série. Ces gars-là sont pas là pour la grandeur de l'Église, hein. Ils sont là pour leur grandeur à eux, la grandeur de leur famille, de leur vision de ce qu'est le monde et la religion, mais ils avaient quand même, en tout cas à mon avis, un moyen, toute une circonvolution de justification morale, spirituelle, parce que reste que le dogme, reste que les savoirs, c'était quand même les pères de l'Église, hein, qui élaboraient ça, et donc on avait cette espèce de je dirais pas de liberté, mais de moyens de toujours un peu contourner, de toujours un peu excuser, ou de repousser, ou de dire, oui, mais moi, c'est pas pareil, oui, mais moi, c'est autre chose, ou, avec, ben, les résultats qu'on connaît, là, parce que, reste que somme toute aussi, c'est sûr que c'est pas avec ça que la papauté, disons, on est ressorti grandi, hein, ça, non, mais en fait, c'est les craintes morales dont il se toile, dans le fond, dont il se dresse, ouais, qui devient dérangeant, parce que justement, on voit ces choses-là, et peut-être qu'on est moins malaisé quand ça se passe dans la royauté, quand on voit les Tudors ou ces choses-là, parce que on dirait que ça va un peu, tu sais, c'est pas surprenant de voir une cour royale qui décadente, qui tombe dans leur jeu. Mais évidemment, il n'y a pas cet aspect moral, religieux. Marc, dans ce livre-là, je trouvais que c'était assez particulier, parce que la moralité, elle est où, tu sais, en tant que telle? Parce que même la foi où, souvent dans ces genres de récits-là, on met souvent la noblesse, ou en tout cas la société plus élevée, l'élite, en porte-à-faux avec la population. Puis là-dedans, la seule unique fois où on voit la population, c'est quand Alexandre VI est décédé, au début. Mm-hmm. Ils se vautrent tous dans la luxure la plus totale. Donc, ils sont... Tu sais, on dirait qu'on vit dans une humanité qui n'est que dans l'excès. Pour reprendre le mot que tu as dit, qui, je trouve, qualifie très bien les quatre BD que tu nous as fait lire, là. Mais qui est représentante aussi, en même temps, d'une certaine vision des choses de Jodorowsky, il faut pas se le cacher. Ouais, aussi. Effectivement, sexuel. Il prend le plaisir à mettre que ça. Là. Ouais, ouais, okay, c'est ça. Jodorowsky a quand même cette approche-là et reste que c'est quelqu'un aussi qui est fondamentalement anti-religieux. Ouais, donc, c'est sûr qu'il ne faut quand même pas éliminer l'intention de l'auteur. Oui, aussi. Dans le contexte, c'est important de le spécifier pour Le Pape Terrible, à mon sens. Comparativement aux autres BD que tu nous as suggérés, donc qui nous amènent dans des dessins, dans un univers réaliste, mais dans le fond pas réaliste, si on peut dire, vraiment accentué. Mais dans ce cas-ci, le trait qu'on choisit dans Le Pape Terrible, c'est un trait qui est très réaliste. Ah oui, et on a littéralement, là, c'est magnifique. Ouais. Et c'est chirurgical presque aussi à certains égards. Mais on a sincèrement l'impression d'être dans les coulisses d'un Vatican, dans une reproduction de ce que visuellement le Vatican pouvait avoir l'air à l'époque aussi. Ouais. Et le dessin est somptueux. Là. C'est une volonté, d'après moi, de Jodorowsky, à sa demande, peut-être, là, mais on sent que ce qu'il veut, c'est que les gens... pense que c'est arrivé pour vrai. Je sais pas, là, ce pape a vraiment existé, il s'inscrit dans l'histoire. Là. Moi, je connais pas l'histoire réelle. T'es plus au courant que moi, peut-être. Mais de vouloir mettre un dessinateur qui soit aussi précis, aussi réaliste, mm-hmm. il y a une volonté de dire, regarde, je vais vous montrer. Là. Puis, effectivement, on ne voit que ça. Ce oui. pape-là, on ne voit que les trucs de on voit très peu les autres aspects de sa papauté à l'époque. Oui. On ne voit que ça. Je ne sais pas si Jules II s'appelle. Oui. Ouais, politiquement, il a fait de bonnes choses ou de mauvaises choses. Non, on ne voit que. Et on sent que Jodorowsky, cette volonté-là de. Écoutez. On le matraque. Non, mais c'est ça. Y a comme. Je me rappelle, ça, je ne l'ai pas relu récemment, mais quand je l'avais lu la première fois, je disais. Tu sais, c'est comme les Borgia, à un moment donné, pour ce qui est de l'histoire, je me rappelle moins de la BD que, bon, je prends la série télé, et à chaque fois, j'essaye de me raccorder, de m'ancrer dans des détails un peu plus historiques, un peu plus réalistes. Là, on voit les trucs, tu sais, une série télé, c'est romancé, mais tu dis, ah oui, OK, là, il évoque un événement. Mais là-dedans, on veut, Jodorowsky, dans Le Pape Terrible, insiste sur ça. Oui. Comme pour, évidemment, on ne peut que penser qu'il voulait vraiment démolir. Ah, c'est une attaque en règle. Là, ah, tout à fait. Même dans les petites actions, je veux dire, à un moment donné, il y a une bonne sœur dont il suit les mouvements. Et dans le fond, la raison de ces mouvements est liée à la sexualité. Tout est rattaché, tous les complots, on dirait que tous les éléments ou une bonne partie d'entre eux sont ramenés à cette dimension-là dans les relations entre les personnages, etc. Oui, etc. Et même à travers l'art, hein, à travers Michel-Ange, à travers justement l'émergence de tout ça, c'est la chair qui est omniprésente, mais qui est présente aussi dans l'art, dans tout ce florissement-là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est une période que je connais peu, mais c'est malheureusement, par contre, pas montré dans l'œuvre de Jodorowsky, cet aspect-là, en tout cas dans Le Pape Terrible 1, là, où on est vraiment que sur la partie terrible. Ouais, ouais, non, ça va venir parce que c'est en trois albums, okay, donc c'est sûr qu'on découvre un peu ce côté, disons, de on rencontre Machiavel, je trouve qu'il est très bien dans cet univers-là, oui, Machiavel. Très, très bien placé, en effet. Mais on parlait justement, bon, des aspects sexuels, je pense que, sans aller dans un étalage peut-être aussi grand, je pense que c'est aussi ce qui fait justement le choc quand on lit Neonomicon pour passer à celui-là. Parce que, bon, on le disait, je veux dire, H.P. Lovecraft, ceux qui le connaissent, c'était quelqu'un de reclus, c'était quelqu'un d'extrêmement... je voudrais dire pudibond, en fait, très coincé à quelque part. Quand on lit par ailleurs son œuvre, hein, lorsqu'il parle de des profonds, lorsqu'il parle de ses mariages, ses relations entre les serviteurs des dieux anciens et les humains, ça ne va jamais guère plus loin que une union innommable ou une union abominable, mais on ne va jamais plus loin que ça. Je pense que c'est un peu la satire que Moore essayait de faire, en fait, de dire oui, mais ça se passait, là. Oui, puis il aborde de front, en fait, parce que ces personnages dans le récit essaient de décrypter Lovecraft, essaient de décrypter un peu cet univers-là, et la sexualité de Lovecraft est aussi abordée. Oui. Donc, pour essayer de comprendre comment, à partir de textes qui sont en partie asexuels, où la sexualité est en partie évoquée, mais il n'y a rien d'explicite, si on peut dire, de nous amener vers ces dimensions explicites, vers les cultes sexuels, orgiastiques et autres, et de nous amener vers ces dimensions-là. Et j'ai bien aimé, justement, qu'il y ait une logique, en fait, parce que Moore, c'est sa force, à mon sens. Tout est là pour une raison, tout est expliqué dans le plus fin détail. Ce que tu n'as pas perçu à la première lecture, tu vas le comprendre à la deuxième ou à la troisième, et tout est calculé. Et cet élément-là est abordé parce qu'il sait que nécessairement, ça va générer débat, discussion, et que nécessairement, ça en générerait aussi pour ces personnages qui sont placés dans l'époque moderne. C'est pour ça la force de Moore, on en parlait tantôt, en fait, vraiment, plus moi, avant l'émission, ouais. Il fait pas de la métafiction juste pour flasher. Tu sais, c'est rendu à la mode, hein, à cette heure, de faire des liens, des clins d'œil, hein, tout le temps, mais Moore, il y a comme une méthode derrière tout ça, là, vraiment, pour réfléchir à l'art, au thème de l'auteur, sans nous le mettre en pleine figure. Il demande au lecteur de faire l'effort de... C'est littéralement chirurgical. Ben, de toute façon, il demande au lecteur, s'il connaît pas l'univers, de lui-même aller faire la recherche, ni plus ni moins. Ouais, puis il nous donne des livres à lire, puis des choses comme tout à fait, ça. Il y a aussi, chez Alan Moore, il y a aussi une grande compréhension. du médium qu'est la BD. Oui, oh, non, là, oui, attendez, ça. Là, moi, évidemment, cet album-là, l'aspect sexuel m'a pas moins dérangé que peut-être les papes terribles, là, où j'ai vomi partout. Et celui-là m'a moins dérangé parce que ce qui m'a beaucoup plus intéressé, et vous l'aurez deviné, était la narration, la façon dont on raconte le truc, et surtout les pires aspects de sexualité ou de les trucs qui arrivent à, sont racontés assez ordinairement, je trouve, que tout l'aspect du premier personnage qu'on voit, ou ouais. là, sur deux cases très allongées de la page, on a l'intérieur, et c'était magnifique. Et oui. Moore, il maîtrise ça. Les dessinateurs qui, avec qui il s'associe ne font pas ça au hasard. Tu sais, je veux dire, V pour Vendetta ou les Watchmen. Putain, il a été choisi du monde qui faisait ça classique, mais il faut regarder les découpages de ça. C'est classique, mais il y a une raison pour laquelle c'est découpé. Ouais. C'est un foutu malade mental de la narration. Moore, il comprend le médium. Et là-dedans, au-delà du scénario que vous, messieurs, connaissez et maîtrisez parce que vous avez en background toute l'œuvre de Lovecraft, moi qui l'ai moins, ben ça aussi, je l'ai moins. Mais laissez-moi vous dire qu'à la lecture, je ne suis pas ennuyé parce que il prend son lecteur et il dit garde, et voilà. Oui, mais il en fait quelque chose de cohérent. Hein. On s'y perd pas, même si on n'a pas ces référents-là. La référence, et elles sont évidemment innombrables, comme Alan Moore est toujours capable de le faire, sont en fait la plus-value aussi, qui montre justement à quel point la composition, à quel point justement, comme tu disais, l'intention derrière est tellement précise, tellement chirurgicale, comme je le disais, tellement tout est là pour une raison, rien n'est innocent, rien n'est, et même à quelque part, un peu comme justement par exemple, si on prend une autre de ses œuvres, je sais pas les par exemple la Ligue des Gentlemen extraordinaires, je disais, vous voulez découvrir qu'est-ce qu'il faut lire de la littérature du 19e siècle anglais, disait les Gentlemen extraordinaires, puis noter les titres, c'est un peu la même chose avec Neonomicon. Ça pourrait être dans une logique de pastiche, ça pourrait être dans une logique d'hommage, mais on dépasse le pastiche, on dépasse l'hommage pour créer quelque chose de parfaitement unique. Et c'est d'autant valide avec la Ligue des Gentlemen extraordinaires que tu cites, je trouve, où ça aurait pu... Une réappropriation. Donc, oui, exact. Il se réapproprie. Et dans ce cas-ci, bien, dans le fond, on se dit, si l'univers de Lovecraft avait été adapté, avait été créé aujourd'hui, bien, peut-être que ça pourrait nous amener vers ce type de dimension-là. Peut-être que si on avait eu un auteur qui n'avait pas la même dynamique ou la même relation face à la sexualité, bien, qu'elle aurait été mise de l'avant comme celui-là. Donc, il s'approprie l'univers sans lui rendre hommage, sans faire un pastiche, mais simplement lui donner la place qu'il doit prendre et nous amener à percevoir, à comprendre, à appréhender la mythologie qui est autour de ça. Parce que moi toi, tu parles de la façon de raconter. Moi, je pense qu'on va aussi beaucoup dans tout ce qui est autour et tout ce qui est non, tout ce qui n'est pas dit. Tout ce qui n'est pas dit, mais qui est clair. Aussi, dans le fond, où même si on est plus loin de l'univers de Cthulhu et le reste, ben, on plonge un peu là-dedans, puis dans l'ambiance et dans l'esprit de cet univers-là. En fait, je pense pas qu'il fasse un hommage à Lovecraft. Il fait du Lovecraft. Exact. Parce que Lovecraft en est un que... Il y a eu un club des papiers ou un truc, des gens reprenaient des nouvelles? Oui, ben le Lovecraft Club. Des passages qui a été appelé, mais alors, oui, mais même déjà à l'époque de Lovecraft, je veux dire, il y avait ses compagnons, Auguste Derleth, même Howard le fait, même Robert K. Howard le fait. C'est ça. Tout le monde venait un peu ajouter, étoffer cet univers-là. Je pense que Moore a réussi ça. Ah, oui, et je le mets même en comparaison aussi avec la série Providence. C'est un compagnon, mais même je trouvais justement, je trouve le point de Marco intéressant, je trouve que Providence, justement, fait plus peut-être figure d'hommage parce qu'il reprend les histoires de Lovecraft, il les représente un peu décontextualisés, alors que là, c'est vraiment ça, il s'est approprié l'univers Lovecraftien. Providence, c'est clairement, contrairement à Neonomicon, qui est plus viscéral, puis aussi, qui fait beaucoup dans ton choix de lecture d'aujourd'hui. Providence, c'est une réflexion sur l'œuvre de Lovecraft, littéralement. Qu'est-ce qu'il peut avoir poussé dans l'histoire américaine, la société américaine, à avoir créé une telle œuvre? Et dans ce cas-là, ne pas posséder son Lovecraft peut devenir vraiment lourd, là. Mais c'est les deux mêmes auteurs, puis éventuellement, donc si les gens ont aimé Neonomicon, je n'aurais jamais trop recommandé de lire Providence et surtout une fois qu'on l'a fini de le relire pour être sûr qu'on a compris. et on est beaucoup dans le scénario évidemment parce qu'avec Moore on peut pas passer à côté dans le côté délibéré, mais je pense qu'on peut parler aussi des procédés visuels. Je pense par exemple toute la séquence d'orgie à la fin, les auteurs font le choix de nous le présenter à travers les yeux d'un personnage qui a un problème de vision, qui a besoin de lunettes pour voir. Ah oui, et donc, on voit des éléments en flou et on découvre tranquillement ces éléments-là à travers justement ce flou-là. Et j'ai trouvé qu'en termes de procédé, pour nous amener, créer une immersion, si on peut dire, là-dedans, j'ai trouvé ça absolument génial comme passage. On aimerait sentir la terreur du personnage, quelque part. Cette scène-là est géniale. Et dans des décors comme ça, avec un côté quand même très réaliste. Je parlais du réalisme dans Les Papes Terribles. Ça reste aussi réaliste dans la façon dont on nous amène dans le dessin. D'ailleurs, on parle beaucoup de Moore dans cette BD-là. C'est souvent dur de ne pas parler de Moore parce qu'il possède tellement sa propre manière de maîtriser le scénario. Mais Jason Burroughs réussit le pari là-dedans. Tu sais, souvent, dans Lovecraft, on dit les adaptations, par exemple, filmiques les plus réussies, c'est celles qui ne montrent pas. Oui. Puis Jason Burroughs fait le pari inverse, il montre beaucoup. Et il réussit diablement bien à nous montrer l'horreur lovecraftienne dans toute sa splendeur. Oui, tout à fait. Et t'as pleinement raison, Jérôme. C'est vraiment pas quelque chose qui va de soi. Dieu sait que Lovecraft, hein, notamment au cinéma, on essayait de l'adapter d'un paquet de façons avec des résultats qui, en tout cas pour ma part, ont jamais vraiment eu des bons succès, ou en tout cas mitigés. On pourrait jaser longtemps, mais... on pourrait s'obstiner, mais... c'est pas le but d'aujourd'hui. Non, c'est ça, mais je pense que, oui, Burroughs a fait un beau travail avec ça. Si on regarde ce qu'il fait en BD, c'est parce qu'il a le contrôle. Tandis qu'au cinéma, il doit pas avoir le contrôle tant que ça. C'est sûr que, en quelque part, sa vision de la chose, on la voit en BD, sa vision... c'est probablement pour ça aussi qu'Alan Moore déteste tellement qu'on adapte ses œuvres au cinéma. Je connais pas les contrats qu'il doit signer et tout, mais dans son cas, c'est sûr qu'il doit être en maudit parce qu'il doit y avoir une perte de sa vision. Et il y en a une, effectivement. Inévitablement aussi. Un deuil là-dessus. Bon, des fois, c'est de la scrap. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires au cinéma était vraiment ratée, mais... Est-ce que, d'une certaine façon, en fait, ça donne presque l'impression aussi, ici, on parlait d'appropriation, d'hommage, que lui réussit à faire avec un autre auteur ce que d'autres ne sont pas capables de faire avec son œuvre aussi. Je veux pas, là, on est dans l'appropriation qu'il fait de l'univers de Lovecraft, puis dans l'amplification qu'il lui donne aussi. Lui, il va tellement loin qu'il va même jusqu'à prendre, à réussir à intégrer brillamment toutes les pastiches, mais puis tout ce qui est autour. En fait, à mon avis, le résultat de ça, l'adaptation de ce qu'on parle de Alan Moore avec Lovecraft, est une question d'érudition, à mon avis. Je pense à exemple, Hugo Pratt. Hugo Pratt, quand il crée Corto Maltese, il l'installe dans le monde réel et là, il nous sert du... Et là, Corto Maltese va rencontrer James Joyce, il va rencontrer des trucs. Et là, au-delà de l'hommage... Il l'installe dans une timeline et avec un personnage fictif, avec des personnages qui existent. Et ça fonctionne comme pour Alan Moore avec Lovecraft. Ça fonctionne parce que Hugo Pratt, c'est un érudit qui maîtrise ces sujets-là, la littérature, l'art et tout. Alors, à mon avis, c'est une question d'érudition. C'est-à-dire que moi, je peux bien rendre hommage à des auteurs de BD. Ça sera pas pareil si je rends hommage, à Thieu avec son Gilles Jordan. Ça sera pas pareil si je rends hommage, exemple, à Tintin, parce que je connais mieux Tintin. Évidemment, là, je sais pas si je réussirai à me l'approprier pour raconter il y a ça. Je pense que c'est une question d'érudition, mais de connaissance. Il y a une question d'érudition, mais je trouve que le point que Raymond amène est bien intéressant, puis ça me permet de transitionner un peu aussi vers le Punisher Barracuda, parce que il y a le côté, justement, d'appropriation, mais c'est quelque chose, en fait, qu'on voit beaucoup dans le domaine du comics. Je veux dire, les super-héros, les héros passent d'une main à l'autre allègrement, d'un dessinateur à l'autre, ah oui, allègrement, oui, mais avec justement des résultats qui ne sont pas toujours équivalents. Et quand on parle du Punisher ici, bon, c'est la série Punisher Max qui avait été fait. On parle du Punisher de Garth Ennis parce que ce Punisher-là est très, très, très, très loin du Punisher qu'on pouvait avoir dans des séries comme Spider-Man. Oui. En fait, pour la petite histoire, c'est que quand est apparu le Punisher dans le Spider-Man numéro, je me rappelle plus, le Punisher avait été mandaté par un vilain de tuer Spider-Man, et les gens l'avaient bien aimé, mais il était dans l'univers de Marvel. Alors, on le décrit un peu, c'est quelqu'un qui s'attaque à la mafia, s'attaque aux méchants, aux dealers de drogue, aux proxénètes et tout, et qui les descend parce qu'il... ça. Et déjà là, il apparaissait de temps en temps et les gens l'aimaient bien et tout. Là, on parle des années 70 où là commencent à émerger les anti-héros et tout. Mais dans les années 90, le Punisher, ça fonctionnait plus avec les Marvel parce que ses méthodes ne coïncidaient pas avec les méthodes de Daredevil, avec Spider-Man, où on ne tue pas, et surtout le Capitaine America, où on tue pas, on capture. Donc, Marvel décide de créer une collection spécialement pour le Punisher. Ils ont essayé d'autres titres, mais il n'y a que le Punisher qui a marché. Et Marvel crée Max. Alors, ils ont inséré le Punisher dans cette collection-là. Et là, ils ont dit à des auteurs, fais ce que tu veux. Et là, on a le droit à Garth Ennis qui fait Barracuda. Et ce qui est intéressant là-dessus, tu l'as mentionné, en fait, pour beaucoup, Punisher, c'est celui qui va tuer la mafia italienne, la mafia russe, oui, ici. Et dans le cas de celui-là, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu en plein scandale Enron, et où on prend ce personnage-là, cet ancien soldat, ce militaire, et on lui dit, ben, voici des criminels à cravate. Mais attends, oui, mais si on regarde bien la chose, le Punisher là-dedans, je veux dire, il déclenche quelque chose. C'est-à-dire que il s'attaque pas à la multinationale qui est en train de, je sais pas, il y a une guerre interne qui est en train de se passer parce qu'on nous raconte en flashback ou on nous raconte quel le président, toutes les magouilles qu'il fait et tout. Mais le Punisher, il s'attaque pas à lui. Le Punisher fait juste laisser en vie un témoin. Mm-hmm, c'est tout ce qu'il fait. Et là, il s'aperçoit que... Oh, attends une minute. Et là, il récupère. Et là, il déclenche un truc. On envoie un tueur à Sarah. Et tout ce qu'on voit du Punisher, et si vous regardez bien, tout ce qu'on voit du Punisher, c'est affronter Barracuda. C'est tout. Et essayer de sauver son témoin. Mmh. Mais tout le reste, l'intrigue, la vraie intrigue, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise... la fille et toutes les manigances qui jouent dans le dos. Punisher dans ce film-là est un peu l'équivalent des zombies dans les films de Romero. Voilà. Ah, exact. Et, oui, oui. C'est vrai que Barracuda est engagé pour le dessin, et là, les rencontres entre le Punisher et Barracuda sont d'une sauvagerie, mais sans nom, taper dessus et tout. C'est d'une brutalité incroyable, mais en même temps, il y avait justement, comme je disais, c'est les deux pièces de la même face. Oh, je disais, Barracuda est ce que Punisher aurait pu être, et vice-versa. Et on s'entend, comme vous dites, c'est Garth Ennis, c'est Max, c'est exagéré, c'est poussé dans ses extrêmes, mais en même temps, et c'est bizarre parce que bon, Raymond va rire, ben ça m'a fait penser à Raymond parce que j'ai aussi souvenir vivace de Raymond à l'université, qui était un grand grand fan de la WWE, un grand aficionado de la lutte, et je pense que le fan de lutte ne peut pas ne pas voir là-dedans justement les deux extrêmes. C'est Hulk Hogan contre André the Giant, c'est WrestleMania 3. Ah oui, non, The Irresistible Force Against the Immortal Immovable Object. J'ai réécouté le documentaire sur André the Giant pour à peu près la 25e fois hier en prévision de ce soir pour me conforter dans cette idée-là. Mais ce que je te conseillerais dans ce cas-là, Edouard, on fait une parenthèse lutte professionnelle, mais regarde des documentaires que Viceland a produits, entre autres celui sur le meurtre de Bruiser Brody, et ça va t'amener Oui, je les ai vus. Ah, extraordinaire. Je savais que l'amateur de lutte derrière allait comprendre. Mais c'est drôle parce que effectivement, si on regarde, mais c'est que ça. Oui. Et c'est ça que j'expliquais, c'est que à la relecture de ça hier à Barracuda, je disais, ben écoute donc, ils font rien que s'affronter. Puis quand il y a une pause, ben là, on voit toutes les magouilles, puis toute la guerre interne et intestine de la compagnie c'est avec un les emblèmes. Et là, professionnel. Oh, c'est le revient, bout intéressant pour vrai d'ailleurs. Ben oui, mais oui, parce que on avait fait le tour du Punisher à cette époque-là de, tu sais, le Punisher, il veut s'attaquer au vilain. Alors là, il remonte, il pogne un petit, il fait parler, le tue. Mm-hmm. Il pogne un petit, il fait parler, le tue. Là, il monte et il y a ça. Et toutes les histoires, on avait fait le tour. Mais là, c'était hyper intéressant parce que là, le Punisher est comme un peu, il provoque un truc et il s'attire le tueur de la patte. Mais que se passe-t-il derrière, là? Mm-hmm. Car pendant ce temps, ceux qui restent, là, rappelez-vous de ceux qui restent, les enfants qui partent sauvés puis qu'on voit les parents, ben c'est ouais. Ça, en fait. En fait, c'est le Punisher, il a foutu la merde, on a envoyé un tueur à sa rescousse, mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'il se tape dessus? On est littéralement dans deux histoires parallèles où, à la limite, effectivement, je pense que tu amènes à mon point, Marco, l'histoire de Barracuda puis Punisher, l'affrontement entre les deux pour exister en parallèle. Barracuda qui va même avoir une série pour lui pour quelques épisodes par après, ouais, parce qu'on bâtit un peu cet anti-Punisher-là. Et en parallèle, on est dans une situation un peu d'Indiana Jones où, au bout du compte, Punisher n'a pas d'influence concrète sur non. le récit. Le témoin qui voulait protéger se fait tuer, t'sais. Tu sais, à un moment donné... Oui, il se retrouve simplement pris dans l'engrenage, ben oui. C'est ça. Il est sur le bateau, puis bonjour la visite, là. C'est fini l'affaire, là. mais c'est ça. Et tout le jeu de la rencontre entre Barracuda, je me disais, ah, oh, wow, c'est vraiment un pion. Et Garth Ennis, là-dessus, là, après ça, il va se réajuster dans le Punisher Max. On va raconter d'autres choses un peu plus conventionnelles. Mais celui-là, à la première lecture, ce qui était vraiment frappant, c'était la sauvagerie et la brutalité de la rencontre entre... Parce que, pour la première fois, le Punisher rencontre vraiment l'adversaire. Là. Mm-hmm. Et même si, à la fin, il semble bon s'en débarrasser, mais ils vont le faire revenir. Là. Ils ont compris que l'ennemi juré de Punisher était Jigsaw, celui dont la face a des cicatrices. Mais bon, c'est plus psychopathe que d'autres choses. Tandis que là, on avait vraiment la force. Une force brute, une force brute, mais, avec une camaraderie et un côté sympathique. Oui, aussi. Mais l'espèce de moralité inversée, là, tu sais, le Punisher, c'est Batman, hein? Mm-hmm. Je veux dire. Non, non. oui, je non, sais. Non, mais en fait, c'est exactement le même parcours, sauf le trauma qui n'arrive pas au même âge. Batman voit ses parents se faire tuer à l'âge de 8 ans après avoir vu Zorro. Évidemment que ce qui va le motiver va être la justice et la façon de le faire va être de capturer le méchant et de l'amener devant la justice. Le Punisher, Frank Castle, vient de faire une tournée au Vietnam dans les commandos. Il a vu l'horreur de la guerre. Il s'envoie et il va pique-niquer avec sa famille à Central Park. La mafia tue sa famille et le laisse pour mort. Alors, quand il revient, la motivation est la même, sauf que lui, là... C'est la réponse d'un soldat. Hein? Voilà. Alors, lui, il va... Et là, c'est la même motivation. Ah, c'est deux vigilants. Et voilà. Alors là, le Punisher, avec Barracuda, c'est le truc inversé. Là t'as... Lui, là, pour le Punisher, c'est le méchant, ben il va mourir. Tandis que... Et arriver à ses fins. Tandis que Barracuda, c'est la même chose. Les deux s'affrontent. Là, et c'est... Mais même dans la personnalité, dans le fond, il y a le côté physique, c'est deux êtres impressionnants, mais Barracuda, on est plus dans un méchant qui est sympathique, qui est coloré, qui est attachant même. Et le Punisher, le côté Batman, justement, un peu plus sombre, détaché, okay, un peu d'émotion. J'ai pas vu Barracuda de la même manière que vous, parce que moi, j'ai trouvé le personnage extrêmement antipathique. Ben, non, mais je comprends. Coloré, oui, non, mais... Je comprends le point de vue de Raymond, parce qu'il est un petit peu plus pincant, rayé, ouais. un peu plus humour noir. Mais quand on... Je sais plus si c'est dans celui-là ou c'est dans la longue nuit justement la suite où on explore un peu plus justement le passé de Barracuda aussi qui je veux dire en termes de traumatisme il y a pas eu une vie très facile. Est-ce qu'on compare à ça même celle du Punisher c'est pratiquement une promenade dans un parc là, comparé au background de Barracuda mais encore une fois c'est la mythologie c'est la surenchère c'est le mm-hmm. c'est tout ce qu'on crée et j'en reviens encore à la lutte mais c'est ça hein, c'est on crée doublement en fait la menace parce qu'on se dit tu sais imaginez vous prenez le méchant vous prenez le héros et vous dites ah il a battu un tel il a vaincu un tel il a fait ci ça et ça et là vous amenez un personnage qui d'un seul coup est capable de le coucher est capable de le jeter à terre. Ben, vous créez la double mythologie, en fait, en créant la mythologie de l'un. Mais c'est un peu ça aussi. Vous dites là, on a quelqu'un qui est capable de mettre Castle sur le dos, pratiquement à main nue. C'est, j'ai pas besoin d'avoir plus que quelques détails dans ce background. D'ailleurs, les scènes d'action sont très bien menées dans cette bande dessinée. Et c'est aussi pour ça, le plaisir de divertissement, ben c'est ça. Ça revient un peu à ce que je dis au départ, on reste dans la force scénaristique au bout du compte, le côté délibéré d'Alan Moore, la critique exacerbée et poussée à l'extrême de Jodorowsky, dans ce cas-ci, justement, la création de mythe de Garth Ennis qui nous offre. Et parallèlement, dans le fond, j'ai presque envie de dire l'anti-scénario de White Trash, où on est dans le gonzo. En fait, le parallèle que je faisais avec Thompson, c'est ça, hein, c'est du gonzo, c'est hallucinant et halluciné. Mais en fait, What Trash, c'est une explosion. Je veux dire, dès qu'on embarque, c'est comme si ce boum, puis là, tu vois défiler, tu sais, le... Un vidéoclip, ça finit, ça fait aspergé et tout. Mais c'est comme si Lemmy avait fait de la bande dessinée, finalement. C'est comme retenir son souffle pendant une explosion. Là. Ouais. Ça décolle, c'est chapeau de roue, c'est le cas de le dire. Mais et ça s'arrêtera pas, là, jusqu'à la fin. Et c'est tout en même. C'est l'excès, c'est la caricature à l'excès dans le dessin. Là, c'est caricatural. Là, c'est caricatural dans tout ce qu'il y a de préjugés du sud des États-Unis, le hillbillies, les rockers, les moteurs, même le FBI. L'agent orange. En fait, je veux dire, et en plus, même si, c'est le choc générationnel de deux époques de rock'n'roll. Elvis signe un pacte avec le démon, avec le diable. Il dit je vais te donner un travail. Fais ton comeback à Las Vegas. Et Elvis est tout excité. Ça, c'était bon comme introduction quand même. Et il ramène un adolescent qui veut devenir une star du rock et qui a l'allure de Axl Rose. Et là, t'as deux. Là. Et les deux, malgré le fait que, pendant trois pages pour nous expliquer que sur la route, ils vont cambrioler des magasins de bonbons, des restaurants, des banques, tuer et affamer tout le monde. Malgré tout ça, et que là, ils vont avoir sur le dos le FBI, une secte religieuse du Ku Klux Klan, et des hillbillies qui veulent venger le vol de la maison de bonbons. Mais les méchants là-dedans, c'est les méchants qui courent et deviennent, et Elvis et... Et Dean, l'adolescent, deviennent des héros malgré tout ce qu'ils peuvent faire au niveau des gars. Je veux dire, ils mangent juste le banjo en arrière. C'est tellement. En fait, c'est comme un dérapage, là. Et non seulement ça va vite, mais là, ça va vite et c'est un hommage au rock, country, heavy metal, tout ce que tu voudras. Les répliques sont des couplets de chansons de tout ce qui est rock. C'est magique. Ça faisait très longtemps que je l'avais lu. Quand je l'ai lu au début des années 90, ça a été mon premier contact. Il y a deux comics qui ont été mes premiers contacts en comics indépendants. Il y avait, je lisais du Marvel DC et il y avait The Crow de Dan O'Barr. C'est ça. Et il y a ça. Alors, je lis de Crow et cette belle réflexion. Deux ambiances extrêmement différentes. Oui, un peu sur la violence, sur, tu sais, je lisais ça, puis bon, tu réfléchis, là. Le gars attaqué, il revient, subit une agression, il revient se venger, la vengeance, la mort, là, ça. Et là, tu lis What Trust, mais tu ne réfléchis pas, même. Non, c'est clair. Tu ne réfléchis pas. En fait, t'as pas le temps de réfléchir. L'image, en fait, que j'aurais, c'est comme, on est dans un plein aquaplanage, tu peux pas freiner, tu fais juste suivre le flot, puis t'espères que tu fonceras pas dans un arbre. Edouard a trouvé la bonne image quand il en a parlé, c'est de la BD sur amphétamine. Je pense que ça explique bien. D'ailleurs, moi, quand j'ai eu le fini de le lire, la première affaire qui s'est passée dans ma tête, c'est comme si je venais de faire un jam de rock avec fatigué. Des chums. Là, épuisé, mais on a eu un fun noir. Là. On s'est défoncé. Tu sais pas trop ce que t'as fait, mais t'es fatigué. C'est ça. Et tu sais, si en plus on est un amateur de rock, un amoureux de cette musique-là et de toutes les variantes de rock, là, heavy metal. Tu sais, maintenant, je suis dans une période un peu plus southern rock avec le country, country rock, mais on s'y retrouve quand même. Si... Oui, tout à fait, mais c'est comme, mais tu parlais du sud et ça s'imprègne de ça. Dès dans la même mesure qu'un Jason Aaron avec Scalp ou avec Southern Bastard, je veux dire, le trait, l'ambiance, c'est mon Dieu, ça pourrait être un odorama. Ah ouais, ça sent le sud, mais on a encore une fois, malgré le côté halluciné, comme je disais, malgré le côté très éclaté, je veux dire, justement, même dans le dessin, dans le cadrage, dans cet amour des fusils qui est omniprésent, dans ce... On sent même dans la façon de caricaturer, je trouve. Ouais. Même le type de caricature, le type d'exagération, il y a quelque chose de l'Amérique profonde, mais pas seulement dans ce cas-là de plus noir, dans ce cas-là de plus riche. Excessif. Aussi, excessif. Non, mais c'est ça. Mais ouais, tout est toutes les préjugés sont grossis mille fois, cent mille fois. Tu sais, je veux dire, moi j'ai l'exemple, c'est et j'ai toujours eu une affection très particulière pour l'agent orange. Cet agent du FBI, c'est une espèce de... Il ressemble à Barracuda, je trouve. Hier, ça paraissait évident. C'est un espèce de gros black avec des lunettes de soleil, les Ray-Ban de pilote. Là. Et là, on nous le présente, mais il est toujours statique. On le voit toujours en trois quarts. Il se présente. Là, il a fait toutes les guerres, les guérillas de toute l'Amérique du Sud, on nous le présente et au début comme présentation on le met en action, il plante un gang de motards mais avec une précision chirurgicale dans les arts martiaux, dans les armes qu'il utilise et on le présente, maintenant voici l'agent orange du FBI et là à chaque fois dans n'importe quelle situation, il est à la poursuite d'Elvis et d'un jeune ado qui terrorise la 66 aux États-Unis, mais calme. Il donne ses instructions, mais toujours en... Même à la fin, quand il fait, c'est personnel. Il est d'un calme. Il sort son méga gun de sniper. Et là, il débarque à Las Vegas parce qu'Elvis finit par à retourner sur scène. Et là, il fait son comeback. Et il laisse la chance à Dean de pouvoir faire son tour de chant. Et même là, l'agent orange est d'un calme olympien. Il fait sa job, mais... Et c'est d'une caricature. C'est un cliché, Alors, imaginez les autres, l'ado qui veut devenir une star du rock, qui se prend pour Axel Rosa, et ça, c'est Al. Et il crée à ça. En fait, des clichés poussés à l'extrême, qui deviennent attachants, qui deviennent emblématiques, et qui dépassent le cliché. Oui, c'est ça, tu sais, Elvis, qui parle de... Quand il embarque le petit, il donne ses règles, là. Tu sais, là, tu fais, tu sais, j'embarque pas les homosexuels, j'embarque pas les noirs, j'embarque pas les trucs. C'est pas à un moment donné, le jeune, il jure, moi je l'ai lu en anglais, là, mais en français, il doit jurer, il doit dire putain ou merde, bordel, puis il dit on jure pas, là. Et c'est très attachant aussi, le long de la route, à un moment donné, Dean écrit, il dit t'écris à qui? J'écris à ma maman. Ah, oh, c'était Elvis, c'est important, une maman. Tu sais, c'est. Poussé, mais c'est drôle. En fait, même quand ça dérange, c'est drôle parce que c'est poussé. Je veux dire, la secte de Ku Klux Klan, là, il est épeurant, le monsieur, le révérend, là, il est épeurant, man. Enfin, voilà. Mais ce qui met ce scénario-là ou cet anti-scénario, pour reprendre l'expression de Raymond, ça marcherait pas. Si le dessin était pas fou comme ça. Ah non, puis ça, mets un dessin plus réaliste, là, comme on a vu sur les autres bandes dessinées que tu nous as fait lire. Tu viens de complètement tomber à côté, dessin-là est complètement débile. Je trouve que c'est un beau point. Puis je faisais le parallèle avec Simon Beasley parce que je trouvais que le trait ressemblait beaucoup. Justement, dans la même mesure, et parce que j'ai failli aussi un de mes choix pour ce soir, il y avait Slane aussi. Oui. De Slane McRae, le fameux. Mais encore une fois, un personnage comme Slane McRae ne pourrait pas fonctionner sans le trait complètement éclaté, sans cette folie et tout. Oui, donc ça donne l'identité. Et cette façon de raconter, parce que moi, ce à quoi je pensais, et dès la première fois, je l'ai lu au début, il y a une vingtaine d'années, quand je l'ai lu la première fois, ça m'était venu à l'esprit. Il y a cette façon de raconter de caricatural et surtout, mais il y a ce qu'on se rend pas compte, et aujourd'hui, Deadpool, on vénère Deadpool parce que le quatrième mur, il le franchit, puis il s'adresse. Mais là-dedans aussi, cette façon de raconter là, moi, je revoyais les dessins animés de Tex Avery. Quand ces personnages dans le dessin animé s'arrêtent et ont une pancarte qui s'adresse au groupe. Ouais. Eh ben là-dedans, regardez bien les scènes de violence où on s'adresse au lecteur, dire « Oh, ici, voilà telle affaire. » Ou là, il y a le personnage. Écoutez, c'est du cartoon. C'est un hommage. Martin Aymon a rendu un hommage à Tex Avery là-dessus, j'en suis sûr. Bon, maintenant qu'il est mort, on ne pourra pas y demander, mais... mais il y a des liens, puis ça donne en fait le ton, puis l'esprit, puis l'ambiance où on va chercher d'un côté le gonzo, le dérapage, de l'autre côté l'espèce de caricature exacerbée, la violence excessive, l'excès dans le fond qui en devient festif. Oui. Tellement festif, c'est bien dit, ça. Oui, mais c'est... Et parce que, bon, l'émission tire tranquillement à sa fin, mais je pense que comme point d'enveloppement, c'est fort intéressant parce que, comme je disais, au-delà du fait que ça choque, que ça nous trouble ou que ça nous amène des fois dans des... C'est sûr que c'est pas des lectures que je suggérerais à tous les publics. C'est sûr qu'il y a des gens, bien sûr, dont les sensibilités vont faire qu'ils vont détester ça, mais à mon avis, c'est tellement exagéré qu'on peut juste en rire, comme un film d'horreur qui va à la surenchère du gore, des choses comme Oui, tout à fait. Alors, je rappelle les titres qui avaient été suggérés par Édouard Tremblay. Alors, The Punisher, Barracuda, Garth Ennis, Goran Parlov et Leandro Fernandez, Neonomicon d'Alan Moore et Jason Burroughs, White Trash, dont on vient de parler, de Gordon Rennie et Martin Aymon, et Le Pape Terrible, tome 1, d'Ellard Verré, de Jodorowsky et Théo. Donc, sélection d'Édouard Tremblay. Il y avait également Marco Duchesne, Jérôme Vermette qui étaient avec nous. Nous, on se voit le 24 mai pour un dernier club de lecture. Ce sera ma sélection. Alors, on vous dévoile ça en cours de route. Alors, ben messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais retourner prendre du Valium. Et nous, à La Vie en BD, on se retrouve la semaine prochaine pour une édition régulière où on parlera de concerts dessinés, où on parlera d'analyse de bande dessinée sous d'autres angles et du samedi de la BD gratuite. Alors, tout ça et plus, c'est Raymond Poirier avec vous. C'est toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver sur les ondes du 89.1.